La plupart des maladies sont liées à l'environnement. Le point publié le 14/11/2014 à 6h07. 10 ans après l'appel de Paris, le cancérologue Dominique Bellepaume espère faire reconnaître la pollution comme crime de santé publique. Hyperlink http://www.lepoint.fr/image/2014/11/14. L'obésité est également une maladie de l'environnement, causée par des polluants chimiques notamment. Manuel Cohen/AFP. Propos recueillis par Émilie Trevert. À l'origine du plan cancer sous Chirac, le professeur Dominique Bellepaume, cancérologue de renom, a été le premier à ouvrir une consultation en médecine environnementale et à alerter sur le rôle des champs électromagnétiques dans différentes maladies comme celle d'Alzheimer. En 2004, il s'était entouré de scientifiques et d'écologistes pour lancer l'appel de Paris. 10 ans après, alors que s'ouvre, ce vendredi à la maison de l'UNESCO, le colloque anniversaire, Dominique Bellepaume espère faire reconnaître la pollution comme crime de santé publique. Le point fr, il y a 10 ans, vous lanciez l'appel de Paris, une déclaration internationale visant à alerter sur les dangers de la pollution chimique, signée notamment par Claude Lévi-Strauss et les Nobel François Jacob, Jean Dausset et Luc Montagnier, Nicolas Hulot. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Dominique Bellepaume, il y a eu des effets positifs plus ou moins directs, comme le système RIACH au niveau européen, un système intégré d'enregistrement, d'évaluation, d'autorisation et de restriction des substances chimiques, lors de la rédaction, ou le Grenelle de l'environnement en France, mais c'est insuffisant face aux défis que nous avons à relever, d'autant que le nombre de victimes a considérablement augmenté. Le plus grave, c'est qu'il y a un déni politique quasi complet vis-à-vis des données scientifiques actuelles. La révolution médico-scientifique est faite, on sait maintenant que la plupart des maladies sont liées à des facteurs environnementaux, et pas uniquement à des facteurs liés au mode de vie. Mais les savants ne sont plus écoutés par les pouvoirs publics comme autant de pasteurs. Qu'attendez-vous de ce nouveau colloque ? Puisque les politiques n'ont pas compris, il faut passer à la morale et au droit. Mon but est de faire reconnaître par la Cour pénale internationale la pollution et la destruction de la nature comme crime de santé publique. Vous dites que 3 cancers sur 4 sont liés à l'environnement. Vous faites même un lien entre pollution et autisme. On a des malformations congénitales en augmentation considérable. Un enfant sur 10 naît aujourd'hui avec une malformation congénitale ou une maladie rare. On est passé d'un facteur d'1 à 1000 en 20 ans. Le meilleur exemple, c'est en effet l'autisme. Un enfant sur 80 naît autiste dans les pays dits développés. Il y a 20 ans, c'était un enfant sur 10 000. Pour l'autisme, on sait maintenant que c'est lié à la pollution chimique, avec les pesticides organochlorés et le mercure notamment dans les amalgames dentaires des mers, et à la pollution des champs électromagnétiques. Comment êtes-vous sûr que cette augmentation des maladies est liée à la pollution ? Nous avons des études épidémiologiques concordantes, et surtout une approche toxicologique qui nous permet de reproduire la maladie en laboratoire, chez l'animal notamment, et de constater les mêmes lésions. Et enfin, une approche biologique. Ce qui nous permet de dire irréfutablement que nous sommes dans des liens de cause à effet concernant les polluants et les maladies actuelles. Le cancer est en augmentation exponentielle, mais aussi le diabète de type 2, les allergies, un Français sur 3 est allergique. On vient de démontrer que l'obésité est également une maladie de l'environnement causée par des polluants chimiques notamment. À cela s'ajoute la maladie d'Alzheimer, qui, selon les prévisions de l'OMS, devrait doubler tous les 10 à 12 ans. Lors de sa colloque, vous, avec d'autres scientifiques, souhaitez alerter le grand public sur une pollution invisible et omniprésente en ville, les champs électromagnétiques. En plus de la pollution chimique vient s'ajouter maintenant la pollution électromagnétique, émise par les antennes relais portables, WIFI, nos de la rédaction. Nous pouvons maintenant affirmer avec une quasi-certitude que les champs électromagnétiques sont néfastes pour la santé. On dit qu'il n'y a pas d'études concluantes. L'ex-secrétaire d'État au numérique Fleur Pellerin a déclaré que la dangerosité des ondes n'était pas étayée. Le ministère de l'Éducation nationale développe le WIFI dans les écoles. Nous sommes dans des discours d'opinion, il y a des milliers d'études. Le rapport Bioinitiative, qui fait la synthèse de 3000 à 4000 articles scientifiques, démontre que les champs électromagnétiques présentent un risque cancérigène, que ce soit pour les basses ou les hautes fréquences. Le risque pour un enfant de faire une leucémie est multiplié par 2 si cet enfant habite à moins de 600 mètres d'une ligne à haute tension, basse fréquence. Concernant les hautes fréquences, ou radiofréquences, comme les portables et téléphones sur socle, direct, on constate essentiellement des tumeurs cérébrales homolatérales. L'étude Interphone démontre un risque multiplié par 5 de cancer du cerveau chez les sujets de moins de 20 ans. Dans vos consultations, vous recevez des patients dits électro-hypersensibles. J'ai vu le plus grand nombre de malades dans le monde, 1200. Ce sont des gens qui ont abusé 6 fois sur 10 du portable ou du deck, ou qui ont une véritable addiction à l'ordinateur, en mode WIFI, ou encore qui ont la malchance d'habiter à côté d'un transformateur électrique, d'une ligne à haute tension ou d'un pylône antenne relais. Les symptômes sont souvent des migraines, acouphènes avec perte d'équilibre, malaise, eczéma, raideur de la nuque, troubles cognitifs, perte de mémoire immédiate, absence. Ces gens-là arrivent après un parcours médical impressionnant, ils ont parfois vu 3 neurologues avant qu'on ne leur dise « c'est dans votre tête », alors qu'ils sont dans des situations pré-Alzheimer. J'ai vu un gamin de 15 ans arriver ici au bras de sa mère car il était incapable de s'orienter. Il avait dormi 4 ou 5 ans avec son portable sur l'oreiller. Les champs électromagnétiques ont un rôle à jouer dans l'Alzheimer, mais aussi, d'après mes travaux, dans certaines scléroses en plaques ou dans la maladie de Parkinson. Le professeur Dominique Belpaume est cancérologue, président de LARTAC, Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse. Il est l'auteur de Ces maladies créées par l'homme, Albin Michel 2004, et Guérir du cancer ou s'en protéger, Fayard 2005.